Aujourd'hui, le magazine de l'archéologie de France Culture part sur le terrain dans les environs de Chalon-sur-Saône, à Fragnes-la-Loyère exactement, et sur une fouille qui sera très prochainement transformée en échangeur de l'autoroute A6, celui-là même qui relie Paris à Lyon. Entre Côte-Chalonnaise et Lys-de-la-Saône, au cœur de la Bresse bourguignonne, mais aussi sous la pluie et entre pelles mécaniques et bruit de générateurs, nous retrouverons Jean-Baptiste Lajoux et son équipe de l'INRAP qui exhument un rare site préhistorique, halte de chasse d'une communauté paléolithique vivant au cœur des frimas du maximum glaciaire et appartenant à la culture solutréenne. Mais avant de le retrouver, je suis en ligne avec Jean-Guillaume Borde. Bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à toutes et à tous. Maître de conférence à l'Université de Bordeaux, vous êtes le fouilleur de l'abri du Piage, haut lieu de rencontre entre Néandertal et Sapiens, et où quelques chasseurs solutréens, culture qui nous intéresse aujourd'hui, firent halte. Les cultures du paléolithique supérieur, c'est-à-dire celles de l'homme moderne, ont souvent eu de vastes répartitions géographiques. Avec celles du solutréen, il n'en serait rien, Jean-Guillaume Borde ? Oui, tout à fait, Vincent, c'est juste. Et pour replacer votre question dans un cadre un peu plus large, peut-être un petit rappel. Il faut dire que le paléolithique supérieur ou récent, dans son ensemble, entre 45 000 et 10 000 ans avant le présent, est scandé par plusieurs cultures. Les archéologues ont défini en général à partir du fin du 19e siècle et puis début du 20e siècle. Et au sein de ces cultures, et bien finalement, il y en a certaines qui sont réellement pan-européenne, voire plus large, définie jusqu'au Proche et Moyen-Orient, comme par exemple l'Aurignacien, que tout le monde connaît, et d'autres qui sont beaucoup plus contraintes géographiquement, toutes petites en comparaison de ces géants, et qui sont par exemple le Châtel-Péronien, première culture des Homo sapiens en Europe, ou le Solutréen, culture, elle, remarquée très très tôt depuis de Mortillé en 1870, principalement pour la magnificence de la taille de ces roches. Mais peut-être vous allez m'interroger un peu plus avant sur cette question. En tout cas, on la retrouverait qu'en France et en Espagne, c'est bien ça ? Oui, c'est ça exactement. Elle est à peu près confinée au territoire actuel de la France et l'Espagne, tout à fait, à travers, je dirais, quelques grosses dizaines de gisements et guère plus. Durant combien de temps perdure cette culture ? Quelques millénaires ? Oui, c'est ça, à peu près 3000 ans. Et alors, c'est sûrement beaucoup pour nous tous qui vivons à l'ère de l'accélération, mais en réalité, à l'échelle du paléolithique, c'est une culture dont le développement chronologique est relativement restreint, comparativement, encore une fois, aux cultures qui l'encadrent, comme par exemple l'Aurignacien, 8000 ans. Et sachant qu'en plus, les archéologues, depuis longtemps, ont divisé le solutréen en plusieurs phases, et on y reviendra probablement. Le solutréen doit son nom bien sûr à la roche de Solutré en Bourgogne, mais ce que nous connaissons surtout d'elle, ce sont quelques pièces extraordinaires. D'ailleurs, l'une d'elles ouvre actuellement la grande salle du Louvre-Lens, les fameuses pointes de Volgu. Jean-Guillaume Borde, vous connaissez ça par cœur ? Oui, une des particularités du solutréen qui l'isole des autres cultures du paléolithique supérieur, c'est que ces artisans taillaient la pierre en la façonnant, et non pas seulement en débitant des éclats et des lames à partir de blocs, mais aussi en construisant globalement les volumes de ces blocs pour produire des pièces travaillées sur les deux faces qui nous sont parvenues et qui ont tout de suite, disons, tapé dans l'œil des archéologues, et certaines effectivement semblent tout à fait fonctionnelles, et d'autres, par leur gigantisme et l'absence de traces d'utilisation qui sont restées sur leurs tranchants, eh bien, montrent qu'elles n'étaient vraisemblablement pas utilisées, et peut-être, mais c'est difficile de les démontrer, entièrement constituées de leur fonction de signe, c'est-à-dire de leur valeur de symbole dans ces sociétés. Ce type de pièce gigantesque est-il d'ailleurs réellement fonctionnel ? Et s'il ne l'était pas, est-ce que nous pourrions être sur des objets ostentatoires, peut-être marqueurs d'une différence même ? Oui, c'est tout à fait ça. Et puis, vous savez, Vincent, de toute façon, en fait, avec un éclat assez bien taillé, quel qu'il soit, on peut pourvoir aux fonctions classiquement attribuées au groupe humain du paléolithique supérieur. Et en réalité, tout ce que l'on perçoit de la variabilité des industries à ce moment-là de l'histoire de l'humanité, c'est de la fonction de signe, c'est-à-dire que la manière de tailler a évolué comme aujourd'hui, je dirais, nous avons fait évoluer notre manière de nous vêtir. Y a-t-il un progrès réel entre le chapeau melon long et le chapeau haut de forme. Non, les deux protègent des intempéries éventuellement, le reste c'est de la fonction de signe. Eh bien la variabilité des industries du paléolithique supérieur, à mon sens, c'est très largement cela. Il est vrai que nous, on attribue plutôt au déterminisme fonctionnel, à des innovations technologiques, ces changements, et c'est sûr qu'ils existent, mais je pense qu'il faut pondérer un peu dans le sens du symbolisme. En tout cas, on a affaire sans aucun doute à des très très grands maîtres tailleurs qui utilisent donc même des techniques comme la pression, la chauffe du silex pour le rendre encore plus clastique. Des chercheurs américains auraient voulu faire de cette culture solutréenne les premiers migrants de l'Amérique, ceux-là même qui franchirent le détroit de Bering. Cette théorie fut même dénommée la French Connection. Oui, alors évidemment, une des fonctions de l'archéologie au sens large, c'est de créer des mythes. Hein. Toutes les sociétés ont besoin de mythes. Alors certains sont fondés sur des données rationnellement observables et vérifiables par tous, et d'autres sont un petit peu plus, disons, romancés. Alors là, il faut dire que la théorie de la connexion entre le solutréen, résumé à la France et l'Espagne, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis le peuplement de l'Amérique, avec un saut chronologique quand même assez important, 5 000 ans. Semble quand même, disons, pas dénué d'intérêt, voire même de provocation, mais assez loin de la réalité des faits jusqu'à présent. Mais vous savez, Vincent, ce n'est pas le seul cas où on utilise l'archéologie pour créer, encore une fois, des mythes fondateurs de peuplements anciens dans des continents qui, finalement, ont été souvent peuplés un peu plus tard qu'on ne veut le croire. Disons-le, Jean-Guillaume Borde, les solutréens sont aussi des artistes et nous connaissons leurs œuvres, notamment dans la fameuse grotte Cosquer, dans les Calanques de Cassis. Oui, tout à fait. Récemment, j'écoutais encore Nicolas Tessandier à votre antenne, qui a produit un ouvrage sur la dégradation des sites archéologiques. Et du coup, Cosquer nous parle bien de la différence de climat qui régnait entre l'époque du solutréen et aujourd'hui, puisque les peintures qui ont été réalisées là sont en train d'être ennoyées, car suite au réchauffement climatique global, eh bien, le niveau des eaux monte et les peintures se retrouvent sous l'eau, alors qu'à l'époque, elles étaient à plus de 120 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et donc, devant les calanques de Cassis et de Marseille, se trouvait là une petite plaine où les herbivores que chassaient les solutréens devaient s'égayer tranquillement, loin de la côte. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette culture solutréenne serait aussi un temps fort des innovations, notamment dans l'outillage en os avec l'apparition de nouveaux objets, de nouvelles mêmes techniques. Oui, le solutréen concentre un stock d'innovations qui semble arriver comme ça de manière assez brutale en son sein, comme par exemple le propulseur qui est un petit instrument intermédiaire qui permet de lancer, de démultiplier la force de son bras et donc de lancer des sagaies plus loin, comme par exemple l'aiguille à chat qui apparaît alors dans une forme extraordinairement moderne, fabriquée en os ou en ivoire. Et comme par exemple, vous l'avez souligné tout à l'heure, l'invention du façonnage par pression des objets pour avoir des tranchants encore plus précis, ou encore bien la chauffe intentionnelle des roches taillées qui permet d'augmenter et d'améliorer leur taillabilité, encore une fois pour probablement améliorer leur capacité technique à pénétrer les chairs des bêtes chassées. Jean-Guillaume Borde, je vous propose de retrouver Jean-Baptiste Lajoux et son équipe de l'INRAP sur la fouille de Fragnes en Bourgogne. Jean-Baptiste Lajoux, vous nous accueillez à Fragnes. Alors à Fragnes, il y a tout. Nous sommes au bord de l'autoroute, avec du vent, de la pluie, sous un petit abri blanc et un site préhistorique, un très beau site préhistorique, solutréen. Bah oui, c'est ça. On fouille actuellement donc un des rares sites solutréens de plein air du nord de la France, de la moitié nord de la France. Et, on est en présence ici donc d'un site d'un niveau du solutréen ancien, donc daté aux alentours de entre 24 000 et 22 000 avant le présent. Et c'est la première fois à ma connaissance qu'on fouille un site de plein air de cette période-là, dans le cadre d'un projet de contournement autoroutier. Alors ce que l'on voit, c'est quelques, on va dire, une dizaine de mètres carrés, peut-être un peu plus, 20, 30, et au sol, quantité de silex qui ont une jolie platine, en général une patine blanche. Oui, c'est ça, donc on a entre 20 et 30 mètres carrés de niveau archéologique très, très bien conservé. délimité par une couronne de galets. Et à l'intérieur de cette couronne, donc, des amas de débitage qui correspondent donc à la production de grandes lames de silex, en silex régional, on va dire. On a deux types de silex qui sont représentés, du silex de la région de Châlons et du silex de la région de Mâcon, situé 70 km au sud de Fragnes. Et donc à partir de silex, ils vont produire des grandes lames qui vont ensuite transformer en pointes à face plane, donc qui sont des caractéristiques des phases anciennes du sol du Tréhun. Le silex, la pointe à face plane, c'est une sorte d'élément allongé que l'on débite, et quelle est sa fonction réelle ? Alors ces grandes lames à pointer, on connaît mal leur fonction. Elles ont été dénommées pointes à face plane par les préhistoriens. C'est des objets interprétés comme des armatures de projectiles, hein, des pointes de sagaie. On peut se poser la question de cette utilisation, hein, puisque ici on en a plusieurs dizaines. Et certaines montrent quand même une certaine courbure et pourraient faire penser à une utilisation autre. D'autant que les études qui ont été menées sur quelques séries à pointe à face plane tendraient à montrer qu'elles sont également utilisées pour la découpe du gibier. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire sur votre fouille, c'est bien sûr les silex qui sont au sol, qui sont intacts, qui n'ont pas bougé depuis un peu plus de 20 000 ans. C'est aussi une série de galets qui font un ou deux kilos peut-être, et qui sont structurés. Oui, c'est ça. Alors, c'est des galets de la vallée de la Saône, hein, qui est située à 4 km d'ici, des galets de quartzite, de grès quartzitique, qui font entre 20 et 25 cm de longueur maximum, assez bien calibrés, on va dire, qui aménagent une sorte de couronne qui a l'air de fermer un espace à l'intérieur duquel les solutréens ont pratiqué donc, des activités de taille. Donc le fait d'avoir cet aménagement, c'est également intéressant pour nous, hein, parce que ça témoigne de la bonne conservation du site au cours du temps. Jean-Baptiste Lajoux, on va aller dans votre baraquement pour voir donc bien sûr le matériel. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Jean-Baptiste Lajoux, vous nous avez expliqué que vous aviez une sorte de cercle avec à l'intérieur le débitage donc fait par les hommes solutréens. Est-ce que vous avez des foyers ? Pour l'instant, non, on n'a pas de foyer. C'est une question qui nous interroge un peu. On a quelques galets qui montrent des traces de feu. Quelques silex qui semblent également chauffés. Mais à ce jour, non, on n'a pas de traces évidentes de foyer, en tout cas. Alors la chauffe du silex, c'est un élément clé chez les solutréens, notamment parce qu'ils ont produit, à la période un peu plus récente, des pointes absolument exceptionnelles. Les fameuses pointes de Volgu, par exemple, sont parmi les plus grands chefs-d'œuvre de la préhistoire au monde. Oui, mais c'est quelque chose qu'on va regarder de près, effectivement, voir si le silex a pu être chauffé, si c'est un procédé qui a été mis en œuvre par nos solutréens anciens de Fragnes. À ce jour, on ne peut pas répondre à la question, mais ça demandera à être étudié de près. Et la chauffe, c'est pour améliorer le silex, c'est ça ? Oui, effectivement, pour la retouche par pression, notamment, on peut chauffer légèrement le silex. Enfin, c'est une chauffe douce qui permet donc d'améliorer la taillabilité, on va dire, du silex. Les propriétés euclastiques. Est-ce que cette retouche très fine, qui caractérise aussi la culture solutréenne, vous l'avez ici ? Oui, effectivement, il y a une partie des pointes à face plane, même la plupart, hein, montrent une retouche très fine, à tendance rasante, hein, comme on dit dans le jargon, qui est caractéristique donc, du solutréen, et donc qui se met en place dès les phases anciennes du solutréen, et puis qui va ensuite se retrouver au cours du solutréen moyen avec les feuilles de laurier, effectivement, et puis au solutréen récent avec les pointes à cran. Vous avez des pointes dans votre musette ? Musette, oui, exactement. Alors ça, par exemple, c'est quoi ? Alors ça, c'est un nucléus. Donc le nucléus, c'est le bloc de silex qui a été exploité pour le débitage des lames. Donc le bloc va être acquis sur donc, des gisements de silex naturels, hein, qui ne sont pas présents sur place. Et donc ensuite, le bloc est mis en forme. Il y a une partie donc, des éclats qu'on va retrouver qui correspondent donc, à cette mise en forme du bloc. Et ensuite, les lames vont être débitées sur ce bloc, selon un mode opératoire bien précis qui est propre à chaque culture. Et là, il a raté totalement son coup. Il a abandonné le nucléus parce qu'il a fait une erreur majeure. Là, effectivement, on a un nucléus qui témoigne d'un accident de taille assez classique, hein, on va dire. On a un beau négatif de lame d'un côté, et puis le négatif qu'on retrouve à côté du premier négatif s'arrête brutalement, formant une marche d'escalier, hein, ce qu'on appelle un rebroussé ou un réfléchissement. C'est-à-dire que l'onde de choc s'est pas diffusée correctement dans le bloc de matière, et elle a rebondi à l'intérieur du bloc et elle est ressortie, ce qui crée une marche d'escalier et puis qui compromet complètement la suite du débitage. Donc là, le bloc a été abandonné, certainement parce qu'il présentait plus assez de volume pour produire les supports désirés. Alors là, ce sont les fameuses pointes. Oui, effectivement, donc on a quelques exemplaires de pointes. On en a une très jolie ici. Ces lames, elles sont débitées à la pierre tendre, hein, donc avec des percuteurs en pierre, contrairement aux périodes suivantes, hein, notamment au Magdalénien, où on va avoir un débitage qu'on appelle organique, donc avec un bois de renne. Là, c'est probablement un percuteur en grès, hein, donc un galet de grès qui va être utilisé pour débiter ces lames. Et ensuite, les lames sont modifiées, les tranchants sont modifiés, sa forme générale est modifiée par une retouche à la pression. Donc, c'est-à-dire qu'on appuie sur le bord du tranchant pour détacher des petits éclats qui vont façonner cette pointe à face plane. Et alors pourquoi certaines de vos pointes sont patinées d'un côté et pas de l'autre ? Alors le silex, en particulier le silex du Mâconnais, a la particularité de, une fois qu'il est dégagé, qu'il est au contact de l'air libre, il va se patiner très très vite. En quelques minutes, il va blanchir. C'est une transformation assez classique, hein, qu'on observe sur le silex. Après avoir passé 25 000 ans dans un milieu stable et humide, au contact de l'air, le silex va en quelque sorte sécher, perdre son humidité en surface et blanchir quelques minutes, il devient tout blanc. Donc là, il est blanc sur la face supérieure parce que c'est celle-ci qui était au contact de l'air le temps de la fouille. Et l'autre face a moins patiné, parce qu'elle a été mise en sachet tout de suite après son démontage. Et on ne pourrait pas voir des emmanchements, par exemple ? Oui, effectivement, on a une partie qui est beaucoup moins patinée, notamment la partie, ce qu'on va appeler la partie proximale, donc à l'opposé de la partie active, de la partie appointée, pointue. On a une zone qui n'a pas patiné, et ça, on l'observe sur plusieurs pointes. À voir ce que les analyses nous diront, mais il se peut que ça puisse témoigner d'un emmanchement de ces pièces. Est-ce que ce sont des maîtres tailleurs pour produire ce genre d'objet ? Il faut une certaine maîtrise. Hein. Comme tous les préhistoriens lithiciens, je taille le silex, je peux sortir quelques lames, mais c'est vrai que là on a des lames de grande dimension qui sont produites sur place. Et puis on voit que la retouche est très bien maîtrisée. Il y a une certaine régularité aussi dans le calibrage, une standardisation de ces pointes à face plane qui montre une certaine maîtrise quand même de la technique. Vous avez de la faune ? Est-ce qu'ils ont bien chassé ? Tout ça c'est malgré tout pour chasser ou pour découper ? Oui, ils ne sont pas venus là que pour tailler du silex. Effectivement, ces silex sont des outils qui ont une fonction, une destination. Malheureusement, on n'a pas la faune qui est associée à cette occupation. Ça s'explique par la nature acide du sédiment qui ne permet pas aux ossements de résister au temps. Ce qui n'est pas le cas, justement, sur le gisement de Solutré. Solutré, c'est donc le site éponyme du Solutréen. C'est une grande roche bourguignonne, hein, qui, donc, le Solutréen qui a été créé en 1872. Et là, on aurait énormément de chevaux, c'est ça ? Alors, le site de Solutré, effectivement, il a la particularité de livrer des niveaux archéologiques où la faune est particulièrement bien conservée. Ça va du Moustérien jusqu'au Magdalénien, ça couvre quasiment 40 000 ans d'occupation. Donc ces différents niveaux qui ont été retrouvés depuis 1866, hein, la découverte du site, ils attestent d'une chasse au cheval. Mais également aux rennes, hein, puisqu'on a fouillé en 2015 et 2016 un site magdalénien à Solutré, qui a livré énormément d'ossements animaux, et principalement du renne. Après, c'est vrai que malheureusement, Solutré souffre toujours de cette image de chasse à l'abîme, hein, des chevaux précipités du sommet de la roche, mais c'est quelque chose qui est maintenant complètement démenti par les données scientifiques. C'était l'idée de ce qu'on appelle des grandes chasses, les big game dans l'archéologie américaine, ces grands pièges où l'on tue quantité d'animaux, au hasard d'ailleurs, tout un troupeau. Donc ça, c'est totalement résolu. C'est pas du tout ce qui s'est passé. On était plutôt sur une chasse ponctuelle. Ben, on était sur des autres stratégies de chasse, mais en tout cas, on sait aujourd'hui que les animaux n'étaient pas précipités du sommet de la roche. Déjà, on est beaucoup trop loin du sommet de la roche pour que les animaux aient été précipités depuis le dessus. Et puis, les ossements ne montrent pas de traces de fractures particulières. Et puis, faut remettre les choses aussi à leur place. Les chasseurs paléolithiques maîtrisaient très bien les techniques de chasse et pouvaient chasser avec d'autres techniques. D'ailleurs, le site qu'on a fouillé en 2015 et 2016 est situé au cœur du village. Il livre une quantité faramineuse d'ossements, de rennes, de chevaux, de bisons, de carnivores. Un spectre faunique très très riche. Et là, on se trouve à plus de 800 mètres de la roche, donc aucun lien du tout avec ce fantasme de la chasse à l'abîme. Jean-Baptiste Lajoux, votre maison, enfin votre habitat, va-t-on dire, vous allez le finir, élargir? C'est étonnant d'ailleurs, on voit sur la périphérie, ça devrait aller assez vite, puisque d'un seul coup, les éclats de silex s'estompent, il n'y en a quasi plus, donc c'est extrêmement concentré. Oui, c'est ça, cette fameuse couronne de galets qui semble délimiter un espace concentre 98% du mobilier qu'on va retrouver. Et le mobilier tend à se diffuser, à diminuer complètement. Il devient absent dans les mètres carrés qui sont en périphérie de cette structure. Donc on va continuer à fouiller, on a déjà pas mal élargi. Ça confirme ce qu'on a vu. Il nous reste encore quelques mètres carrés à fouiller à l'intérieur de cette couronne. Et encore sans doute quelques surprises nous attendent. Vous avez essayé déjà de voir des parallèles de ce genre de type de structure dans le paléolithique et notamment bien sûr dans le solutréen? Alors dans le solutréen ancien, on a quelques éléments connus à l'abri des Pérugues dans le Lot. Donc là, on est en contexte d'abri, mais il y a des structures qui montrent des aménagements qui pourraient ressembler à ce qu'on a. Et puis, il y a également, dans le bassin parisien, la fouille récente du site de Ormesson pour le solutréen moyen, qui livre également ce type d'aménagement, alors avec des blocs beaucoup plus gros, beaucoup plus volumineux, mais qui montrent toute une série de petits habitats formés donc, par des aménagements de ce type-là. Retour en studio, Jean-Guillaume Borde. Un sentiment sur cette fouille? Oh Vincent, il y en aurait plusieurs, c'est extrêmement intéressant. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est d'abord de rendre hommage aux collègues qui sont actuellement en train de fouiller dans les frimas de notre hiver. Certes, ce n'est pas le dernier maximum glaciaire, mais enfin quand même, je veux remercier l'ensemble des équipes qui là fournissent de la donnée exceptionnel sur ces périodes qui sont rarement documentées. Et là, c'est une chance immense parce qu'effectivement, bon, dernier maximum glaciaire, le Solutréen, connu par plusieurs dizaines de sites dans toute la France et l'Espagne, on l'a dit tout à l'heure, il y a de nombreux sites qui sont très importants, qui ont livré des structures, qui ont livré des ateliers de taille, mais des sites qui appartiennent au Solutréen ancien à Pointe-à-Face-Plane, alors là, il y en a beaucoup moins, voire pas du tout. Or, c'est une période charnière, car c'est la période où on voit apparaître les spécificités techniques du solutréen, et en l'occurrence, le fait de retravailler les pièces en silex sur leur face inférieure, puis à la pression, puis avec de la chauffe, ce qui va donner plus tard les fameuses feuilles de laurier ou pointe à cran du solutréen récent. Et nous avons tendance à confondre le solutréen dans son ensemble avec le seul solutréen récent. En réalité, là, ce que cette fouille nous donne à trouver, c'est la vitesse et les rythmes des innovations au sein du solutréen, à l'intérieur du solutréen. Et quand on voit qu'en fait, c'est probablement une adaptation à des changements climatiques majeurs qu'il y a eu à l'époque, le maximum de froid, eh bien c'est là que le solutréen fait résonance avec nos questionnements sociétaux d'aujourd'hui. Donc c'est franchement une grande chance que d'avoir ce genre de découverte de nos jours d'un point de vue chronologique et pour documenter ces variations. Et oui. Enfin, vous avez noté tout à l'heure qu'il y avait un tailleur qui avait, ou une tailleuse après tout, qui avait rater son coup. Et ça, c'est très intéressant parce que les tailleurs expérimentés ne rataient pas leur coup. Sinon, ils ne seraient pas parvenus jusqu'à nous, leurs descendants. Ils seraient morts parce que leur chasse aurait été inefficace. C'est vraisemblablement parce qu'il y avait des apprentis tailleurs avec eux. Et donc peut-être tout le groupe, y compris les enfants, qui ont repris les nucléus de leurs parents et qui se sont, comme ça, qui ont appris à tailler le silex sur place. Donc ils étaient avec eux au milieu des frimas. Oui. On est bien sûr sur un site de plein air. Cela est très différent de ce que vous fouillez, vous, dans l'abri du piage ? Oui, c'est vrai, au piage, on est d'abord intéressé par l'Aurignacien de 15 000 ans plus ancien, mais en réalité, au-dessus de la stratigraphie, il y a du solutréen, donc on l'a fouillé. Cependant, comme dans la plupart des sites classiques sous abri, le solutréen ici est mélangé avec d'autres cultures parce que le dernier maximum glaciaire a laissé des traces dans les mouvements sédimentaires. Et donc, particulièrement, la culture immédiatement postérieure au solutréen, le badgoulien, est mélangé au solutréen. Donc, un certain nombre de précisions dans la documentation qu'on peut avoir nous sont a priori complètement disparues. Cependant, effectivement, au piage, on pourrait dire qu'on a une sorte de complémentaire de ce que l'on trouve ici dans le site que vous nous avez présenté. C'est-à-dire qu'il y a bien les outils et beaucoup, beaucoup, beaucoup de faune. Les outils sont plutôt en fin de vie. On les trouve, disons, réduits par beaucoup de retouches. Ils viennent souvent de très loin. Ils ont été fracturés intentionnellement, réutilisés. Et donc là, on a affaire à un autre faciès économique que celui qui est mentionné dans le reportage, qui est donc très complémentaire. Mais, encore une fois, on est dans le solutréen récent, donc pas dans le caractère exceptionnel de ce solutréen ancien qui nous est présenté là. Que reste-t-il à comprendre de cette période ? Peut-être autour des pratiques funéraires qui semblent si rares pour cette période ? Oui, notamment et surtout la mise en relation de toutes ces sphères techniques, en fait. Parce qu'à chaque fois, un site va livrer, disons, des informations très importantes sur, par exemple, le silex, et puis celui d'à côté va livrer des informations importantes sur la faune, etc., ou sur l'art. Mais les uns et les autres ne sont pas correctement mis en connexion. C'est vrai, sur le funéraire, en fait, on ne connaît pas les artisans du solutréen. Sauf au piage, c'est encore un secret, mais voilà, je sais que nous sommes entre nous, donc je vous le livre, où il y a des restes humains qui sont déposés dans une petite alcôve à côté des occupations principales. Déposés dans une alcôve, ce qui signifie peut-être qu'on les a déposés là intentionnellement, oui, et que donc ils ont pu échapper à la sagacité des fouilleurs jusqu'à présent. Cela explique pourquoi il n'y a pas de restes humains dans le solutréen. Jean-Guillaume Borde, merci beaucoup. Puis je sais qu'il va falloir que je vienne voir votre abri du piage. Merci en tout cas d'avoir été téléphone avec nous. Carbone 14 était réalisé par Laurence Millet, à la technique Jean-Guilain Meige et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.